Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Ce soir, comme d'habitude, plein de bonne musique. On va donner le coup d'envoi avec Transatlantique, le super groupe que tout le monde connaît. Leur plus récent album vient de paraître, The Absolute Universe, un album qui est disponible en deux versions, version Extended Version, puis l'autre, version abrégée. Ce sera suivi de Inner Prospect. Je pense que je vous ai parlé du claviériste de Matt Crayon il y a quelques semaines. C'est le projet du claviériste de Matt Crayon, Alessandro Di Benedetti, et puis il va lancer un nouvel album sous le nom de Inner Project, qui aura pour titre Canvas 2 dans la semaine prochaine. Et puis, ça sera son 10e album, mine de rien, sous le nom de Inner Project. Et on va conclure le premier bloc avec, ça nous vient de Norvège, d'Oslo, le groupe Suburban Savages. Deuxième extrait de l'album qui va paraître le 5 mars. Et c'est... encore une fois, la Norvège qui semble une source inépuisable de groupes. Et on y va avec Transatlantique. Just Just tell me, how can I say, how can I speak to the other me? Only then we will be free. The evil is just beside. Can you believe in wicked lies? Let them go. Nobody can see your face when you wander the lands above. Wither by your side, check to the cake. You stole my son. Nobody can hear your voice when you ride under the skies. You see the world within our eyes. Check to the king. You stole my son. The story is thrown away as the sun arises. This is the spell, this is the lie. With deception and a golden ring, she rules the mind, she moves the wires. Will someone help me or I will die? feet melt like the sand when comes the wave. The world arises, the lands will float. Let's welcome a whole new day. Don't look behind, don't fall apart. Let's come with me. Mm-hmm.

the ghosts of the past. Follow your every move. Spot memories. Feel your head. Instead of getting lost.

just a ray. The sun will shine again. Sleep now, I'm on your side, and I will keep you safe from the tide. This night might last a while. Sleep now, and I will sleep too. Yeah, there's just me and you. Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de famille sont interdits et les déplacements vers d'autres régions doivent être évités. De plus, en zone rouge, il est défendu de quitter son domicile entre 20h et 5h le matin. Visitez québec.ca/coronavirus pour connaître les règles spécifiques mises en place pour établir la situation. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception. Un message du gouvernement du Québec. Plus que jamais, les gestes simples sont notre meilleure protection pour lutter contre le virus. C'est pourquoi, en tout temps, il faut continuer de respecter les mesures sanitaires de base, comme maintenir la distanciation physique de 2 mètres, porter le masque et se laver les mains régulièrement. Les déplacements et les voyages sont à éviter. En cas de symptômes, il est important de se faire tester rapidement et de respecter les consignes d'isolement. Découvrez toutes les mesures en place à québec.ca/coronavirus. On continue de bien se protéger. Un message du gouvernement du Québec. Pour notre troisième bloc, on va faire un petit tour du côté de la Norvège avec Fatal Fusion. C'est la réédition de leur tout premier album paru en 2010. Et le titre de l'album, c'est Land of the Sun. L'album a été, excusez l'anglicisme, remasterisé. Et le son est vraiment supérieur. Je l'ai comparé, je vous le garantis. Ça va être suivi, on reste en Scandinavie, de Blank Page, le projet de Anders Landelius, un musicien suédois, qui a présenté un EP en 2017, Desolate, et c'est d'ailleurs un extrait de ce EP qu'on va écouter. Et puis, ben, on va finir avec un extrait du tout premier album de Circus. Je pense que, comme pour plusieurs, vous avez appris la nouvelle cette semaine. Alain Proulx, bassiste, claviériste et principal compositeur du groupe. On a appris son décès cette semaine. Et nous, on avait reçu le groupe dans le cadre du festival Terrain Incognita en 2018, sauf erreur. Et quelques mois avant, on les avait aussi reçus pour un déjeuner concert, un agréable déjeuner-concert. Je pense que c'était quelques 4 mois ou 3 mois avant le festival. Donc, on va vous présenter un extrait de leur tout premier album, présenté en 2017 sous le titre de Wild Dogs Definitive and Official Bootleg. Le disque a été remasterisé en 2018 et simplement sous le titre de Wild Dogs. Ça a été suivi en 2019 de Voodooland et l'année dernière de Fruit of the Anvil. Ça, c'est le dernier paru. Et puis, ben écoutez, on offre nos condoléances. L'équipe de Terrain Incognita offre nos condoléances à la famille et aux amis et aux musiciens de Circus. On y va avec Land of the Sun de Fatal Fusion. This is Anders Landelius from the Swedish progressive band The Blank Page. You're listening to Terra Incognita radio show, the very best in new and old progressive music. Crime, the fault is mine. gave me all I had, embraced me and forgave. Still I couldn't see, still I couldn't see. Stood there by my side in times when I denied. Still I couldn't see, still I couldn't see. Saw the mess in me, prepared to set me free. Still I couldn't see, still I couldn't see. You taught me to believe in what I could achieve. Still I couldn't see, still I couldn't see. But I see now, I see now. Yes, I see now, I see now. Who am I if I take but never give? Hate and can't forgive. But never live. Who am I if I take but never give? Hate and can't forgive. Breathe but never live. Who am I if I walk but never see? Never think before I speak. Can't my do me a favor. I want to die. Why, oh why do I still resist? My body's gone, but my mind resists. This is doomed. God, this must be doomed. There it was in the end of April. But tell you how this all began, if I can think it all, and now I understand. The music began, now I hear the band. Now I recall a teaching scent. My company lost in this far land, and some old friends is holding my hand. I wondered the way he had it planned. Money boys, you cheering by the homeway back on shoulder high. Today the road around is run shoulder high. We bring you home and set you on your threshold down. The clown can no more feel the crowd. Small times of mine are gone away from fields where. Thank you. CKRL 89.1, Québec. Pour lutter contre la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Informations sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec. CKRL 89.1. Comme un petit oiseau qui chante des chansons, je suis heureuse. Retrouvez Amy en diffusion sur CKRL. Comme un petit oiseau qui chante des chansons. On poursuit avec Carfagen du plus récent Principles and Theory of Spectra, un disque qui a été composé en 2015 pendant les sessions d'enregistrement de Spectra, d'où le titre, et que finalement Anthony Kalugin a disqué ou enregistré tout récemment. Ce sera suivi de Sonus Umbra, du plus récent A Sky Full of Ghosts, et un petit coup d'œil dans le rétroviseur, Odessa, la formation italienne, un extrait de son deuxième album paru en 2009, le titre Final Day, et Odessa travaille présentement sur un album, en fait je pense que c'est pas mal bouclé, et on devrait avoir un deuxième extrait sous peu, et c'est sûr qu'on va vous le présenter dans le cadre de Terra Incognita. On y va avec Carfagen. We'll be right back. final calls and winding halls. I run as time is running out. Am I the only one? Is everybody gone? Took too long, turned out all wrong. Cannot get off the roundabout. Am I the only one? Alone impelled to carry on. Stranger in a fragile state. Apparitions floating by, I wonder why they gaze to me so callously, unwanted, unknown. Looking past the shattered gate, wonder if the rest got through and if they knew that I was left behind without a way to get home. Try to keep the panic at bay. Focus on survival, tuck the darkness away. But I see my missteps are haunting me. Recall the footfalls that led to this place, leaving no trace. I'm cast adrift in foreign spaces, dreaming of familiar faces. Final calls and winding halls. I run as time is running out. Am I the only one? Is everybody gone? Took too long, turned out all wrong. Cannot get off the roundabout. Am I the only one? Alone impelled to carry on. We'll be right back. notre dernier segment musical. On va y aller avec TRK Project, ou si vous préférez, de Richard Kramarski Project. C'est du claviériste du groupe polonais Millennium. On va aussi avoir Suburban Savages, un groupe norvégien, en fait, qui existe depuis un bon bout, ça a commencé sous le nom de Crowned and the Suburban. C'est un projet du batteur de Panzer Papa, Trom Yellam. Et c'est ce qui va conclure cette semaine. Le groupe, je peux peut-être ajouter que Suburban Savages va présenter un album Demagogue Days le 5 mars. C'est le temps de vous quitter. Je vous invite à rester des nôtres pour l'autoroute. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Terra. On y va avec ce groupe polonais, TRK Project, de l'album Music Inspired by the Little Prince, paru en 2017.